and dad in the car. Clear down to scenic Argentina. One wrong move, and away you go. They'll melt you, burn you, shoot you, bury you for opening your mouth, and they learn it all from the United States Marines. There's no punk rock in Argentina. There's no punk rock in Afghanistan, Russia, Czechoslovakia, Iran, Nebraska. If you don't keep your eyes open, there won't be anything like that here either. You'll be forced to buy skinny tie Wimpoma pop bands. So wow, rock and roll. You'll do it. Ku Klux Klan. To a holler and a ball, Ku Klux Klan. Nico was not their intention. The racer, but he got the less, the better the show. Dutch come back, skin, take your blow. Le coup, c'est ça. Le coup, c'est ça. Le coup, c'est ça. Le coup, c'est ça. Le coup, c'est ça. Waiting for the good Samaritan, but waiting was hopeless, it was all in vain. The Ku Klux Klan back again, a holler and a ball. Ku Klux Klan, now let me go now. Ku Klux Klan, let's get one nigga, the less, the better the show. Stash your black skin on, take your blow. Ku Klux Klan, the cool. Ku Klux Klan, ma'am, ma'am, it's got dream, ma'am, the Ku Klux Klan, no. Black man, you want to declare this day will do to you. In this case, hate not your neighbor. Neighbor, those cowards only kill who they fear. That's why they hide behind the hoods and cloaks. They wear a holler and a ball. Ku Klux Klan, now let me go now. Ku Klux Klan, oh no. Ku Klux Klan, the Ku, the Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, the stamp of black man, yeah. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, This one is full of moral fiber. Thank you. Street Hamilton. It's doing more than going bananas. They got tax stops going on. Offshore banking business. International crime. Offshore banking business. Happening all the time. Banks and corporations. You might get some pound and say, that was it. Who asked to know? I was saying, I wanna know. Who's got my money? What that I said? Why is everybody trying to climb my fence? Guy in the city, guy in the news. Everybody giving me the financial blues, oh yeah. I know. Come on, little mama, tell us to play some. Come on, come on, come on, come on, come on, little mama, tell us to play some. Come on, little man, tell us to play the song. Right now!

Fin du concert donc de ce magnifique festival URG qui a eu lieu au tout début des années 80. On avait attaqué avec Police, on finit avec Divo et ce Uncontrollable Urge. Dire j'ai une envie irrépressible, envie de quoi, je vous le laisse deviner. Maintenant, nouvelle séquence, on continue l'exploration de l'underground musical en France. D'après un livre de Eric Dezay et Dominique Grimaud, on a déjà lu quelques extraits précédemment et on continue notre découverte. À Aix-en-Provence, en août 1970, un festival est mis sur pied par Jean Bouquin. La programmation y est moins psychédélique, certes, s'y produisent notamment Leonard Cohen, Johnny Winter, Colosseum, Mungo Jerry, Radha Krishna Temple et parmi les groupes français, Triangle, Chico Magnetic Band et Dynasty Crisis. Un documentaire réalisé par Daniel Suster avec les commentaires de Jacques Higelin en voix off, titré « Guitare au poing à cause du pop » sort en salle en 1973. Quelques grandes figures du free jazz, invitées par Daniel Co, viennent également se produire à la Fondation Mate, à Saint-Paul-de-Vence, pardon, tel sonnera Cecil Taylor et Albert Tyler. Je voudrais dire une chose sur le rapport entre les festivals et l'argent. Quand les festivals seront à vous, ils ne seront pas à d'autres. Et si vous m'appelez, oui? Si vous m'appelez alors, je serai là déjà. Mais une chose, il n'y a pas une révolution. Quand quelqu'un parle d'une révolution, c'est leur révolution. Laissez la révolution à les propriétaires de la révolution. Ils sont comme tous les autres propriétaires. Ils recherchent un profit. Dans le cœur de la nuit, j'ai cherché ma liberté. What do you mean it's okay? Like a bird on the wire. Like a drunk in some midnight choir, I have tried in my way, I've tried to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have broken all my sorrows on thee. If I have been unkind, I hope you can just let it all go by, let it go by. If I have been untrue, just I thought a lover had to be a liar too. Like a baby stillborn, like a bee with his horn, I have torn everyone who reached out for me. Won't you reach out for me? But I swear by this song and by all that I have done. not ask for so much. Another pretty woman leaning in her darkened door. She cries out to me, like a drunk in some old midnight choir. I have tried in my way to be free. Parmi ceux qui exigent la gratuité des festivals pop, il y a le Front de Libération et d'Intervention Pop, créé début 1970 par les groupes Comintern, Mahajoun et Dagon, proche de la Ligue communiste révolutionnaire, et en contact avec divers autres groupes dont Moving Gelatin Plates. En octobre 1970, le FLIP diffuse un manifeste dans la presse. « Nous sommes un certain nombre dans la pop à vouloir tirer les leçons de l'été pop 70. Interdit ou toléré, saboté ou sabordé, maudit de toute façon, les festivals ont montré la force du mouvement pop parmi les jeunes. Le fiasco qu'ont connu les festivals spectaculaires et marchands façon bourgeoise ne signe pas l'échec de la pop en France. Ce qu'il montre, c'est ce que les jeunes ne veulent plus. Pour eux, la pop, c'est autre chose qu'un marché. C'est une nouvelle façon de vivre qui passe nécessairement par la contestation radicale de la société bourgeoise, de ses lois, de l'aliénation qu'elle secrète et qui, hydre à mille têtes, nous étouffe tous. Il y a comme de l'incompréhension dans l'air, récurrente, entre des organisateurs qui prennent des risques financiers pour faire jouer des groupes, qui leur envoient les tympans dans la stratosphère, et des jeunes voyants rouges dès qu'on leur demande de débourser le moindre centime pour participer à ce décollage de tympans. L'équation comptable ne semble pouvoir trouver sa solution que dans un monde parallèle, ou bien oui, dans un monde qui aurait enfin aboli l'argent, en tout cas pas dans celui du rock business. Ce soir et demain au Parc Expo aura lieu dans le cadre de la Foire de Rouen un festival pop musique auquel participeront 14 orchestres venus de tous les coins de France, tous amateurs. Un des plus underground de Normandie évolue maintenant sous nos yeux parmi les stands de la 42e Foire Exposition de Rouen. Ils sont quatre, Jean-Claude à la basse, Patrick à la batterie, Jacques à la guitare solo et Alain au saxophone. Ils chantent tous et en français, et chacun ont des passe-temps bien différents et bien lointains de la pop musique. Jean-Claude aime le cheval, Jacques la musique classique, Alain les relations humaines, et Patrick préfère, par-dessus tout, les gâteaux. Quatre garçons dans le vent. Ce soir, 21h et demain, toute la journée, festival pop musique à la 42e foire exposition de Rouen. En ce début des années 70, l'onomatopée pop est comme une bulle insaisissable qui éclate à peine effleurée. Directement dérivé de popular music, le mot trouve déjà des significations divergentes et n'échappe pas à la politisation généralisée des données. Pour certains, il s'agit d'un argument publicitaire permettant de mettre de la couleur sérigraphique façon pop art. Pour d'autres, il y a là un lien direct avec le peuple et il ne saurait être question de le monnayer. Le style désigné est lui-même le résultat d'un flou artistique total, un melting pot de tendances diverses, du jazz au rock en passant par le rhythm and blues, soutenu parfois par quelques classieuses mesures symphoniques. Thank you. Soft Machine à l'instant sur Radioactive avec tout simplement Why We Are Sleeping, Soft Machine, groupe d'origine de Robert Wyatt, pour clôturer notre session sur Underground Musical français. On va avoir une petite transition avec Male Gaze et on attaque tout de suite après avec un, encore une fois, la suite d'aventures de nos fifilles préférées, les Slits, d'après un bouquin sorti chez Retruite Édition, et ça attaque tout de suite après le Early Surgeon de Male Gaze. Palmolive se rappelle. J'ai commencé à écrire des chansons dès le début. Je voulais exprimer ce que je ressentais. J'aimais déjà écrire, mais pas dans un but particulier, juste pour moi. Alors l'écriture de paroles m'a permis d'exprimer des idées. Je viens d'une grande famille et nous avions de grandes conversations. Ça m'a toujours intéressé de réfléchir sur le but de la vie et ce genre de choses. Self-destruct. Mais en plus des thèmes aux sentiments plus élevés, plus réfléchis, beaucoup de chansons des débuts des Slits sont un peu plus terre à terre, d'inspiration plus simple, plus insolente, et reflètent la vie quotidienne du groupe, celle d'adolescentes spontanées et dégourdies. Harry, Tessa et Palmolive donnent quelques explications de leur chanson au journaliste Chris Needs en 1977. Harry, la première s'intitule Vindicative, Let's Do the Split. Ça parle des mecs qui nous quittent. Si un mec nous saoule avec ses conneries, nous l'enverrons chier car nous n'accepterons pas ce genre de conneries de la part des mecs. C'est comme le mec typique qui veut avoir la femme sous sa coupe, qui veut une femme au foyer. Nous n'en voulons pas. So, let's do... Let's do the split. Hey, do you know Let's Do the Split, Alabama? Do you want a crazy punk song? It is a really crazy one. We never recorded it fully, but if you know the John Peel sessions, we could do that. All right, let's try it. So, it's 1976, the Slits. Let's do the split in 2006. Thank you. Say a special hi to Brian. We love the curtain, and we love Alabama, but we love this place too. This place is nice. Brian's really, he's a guy for here. It's really nice. Palmolive. Nous n'en voulons pas. Number One Enemy parle à des gens qui vous disent tout le temps ce que vous avez à faire et on leur dit simplement « Allez vous faire foutre, on ne jouera pas votre jeu ». 76, the Slits, number one in the money. Harry, Slime parle d'une personne dont tu veux rester à l'écart. Shoplifting parle simplement de vol à l'étalage que vous êtes souvent obligé de pratiquer. Tessa, Vaseline parle d'aller vers les gens. Try to play the bass out of the record. Kate Corris ne restera pas très longtemps dans le groupe, mais elle apporte incontestablement une contribution au premier répertoire des Slits. J'ai participé à l'écriture de Newtown, Shoplifting, Let's Do the Split, Vindicative et Number One Enemy, dit-elle. C'était moi qui trouvais les accords, Palmolive et Harry arrivaient avec les paroles. Elles étaient toutes les deux très créatives. Palmolive ne pouvait pas vraiment produire une mélodie ni tenir le rythme, mais je la trouvais géniale, primale, très amusante. Il n'empêche qu'on ne pouvait pas se fier à elle et elle n'était pas très ambitieuse. Il s'avère que par certains côtés, ce sentiment était mutuel. Personne ne peut être certain que les divers membres plus âgés de la communauté punk aient eu une influence sur Palmolive, mais selon l'opinion générale, il semble que les jours de Kate dans les Slits étaient comptés du fait qu'elle n'était pas assez cool sur scène. Certains suspectent Joe Strummer d'avoir cassé du sucre dans le dos de la guitariste trop relaxe, mais personne ne peut le confirmer. Quoi qu'il en soit, Kate, Tessa, Harry et Palmolive vont se produire ensemble sur scène. Vivienne Goldman dira plus tard dans Sounds que c'était un concert important. Après avoir embrassé le punk sous sa forme la plus immédiate, énergique, provocante et désordonnée, la soirée du Coliseum d'Arlesden est plutôt chaotique. Palmolive s'énervant de plus en plus sur sa batterie instable, tout comme une Tessa hésitante sur sa basse empruntée à Steve Jones. Des Pistols, comme Harry l'a dit ici, le manque de matériel vous dissuade de monter un groupe, c'est que vous n'y croyez pas assez. Avec les accords tranchants de Kate et Harry trépignant comme une môme et criant à tue-tête. Put that shit up in me pocket, put the rest under the jacket. Talk to the cashier, one suspect. And if he does, and if he does, turn it up, turn it up. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Dorana, cameras trying to watch us, mirrors on TV, but they're not gonna catch us, cause we're gonna run. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Dorana! Alors qu'au départ, elles s'en faisaient toute une histoire, elles commencent leur show avant même de monter sur scène. Rien que la manière dont elles entrent dans la salle est mémorable. Lights around my head is like a rainbow. C'est bientôt la fin de l'émission sur Radioactive 100 FM Lost in Space. On vient d'écouter des extraits du livre sur l'histoire des Slits. Ça va bientôt être l'heure d'aller se coucher. Mais avant encore, deux, trois petits morceaux pour finir. Et le premier qui vient, c'est Blink 182 avec After Midnight. Et je vais en profiter pour vous souhaiter une très très bonne soirée, une bonne nuit et vous dire à la semaine prochaine. Allez, ciao! have happened, Lord, since then. Oh.